8, 14, activation orale, du, de la, donne, des, pas de. Répondez selon les données de l'histoire. Vous entendez? Est-ce qu'Henri Petit a des enfants? Et vous répondez? Oui, il a des enfants. Ou bien vous entendez? Est-ce que Paulette Bello a des enfants? Alors vous répondez? Non, elle n'a pas d'enfants. 3. Est-ce que François Bello a des filles? Oui, il a des filles. Bien. 4. Est-ce que Guillaume Bello a des filles? Non, il n'a pas de filles. 5. Est-ce que Guillaume Bello a des frères? Oui, il a des frères. 6. Et Mireille Bello, est-ce qu'elle a des frères? Non, elle n'a pas de frères. 7. Est-ce qu'elle a des cousins? Oui, elle a des cousins. 8. Est-ce qu'elle a des enfants? Non, elle n'a pas d'enfants. 9. Est-ce que Mireille a des oncles? Oui, elle a des oncles. 10. Est-ce que Mireille a des tantes? Oui, elle a des tantes. 11. Est-ce que François Bello a des fils? Non, il n'a pas de fils.